Tout le monde va bien. Merci pour la prochaine, si je peux faire votre aide. Et Fred Chapelier au chant et à la guitare. Ça se passe comme ça au Blues Café Live. Merci beaucoup les amis. Time to party, time to party. Bonsoir à tous, le Blues Café Live est ouvert pour une heure de blues en live et en public. Nous sommes ensemble pour une heure avec un Blues Café consacré, une fois n'est pas coutume, à un groupe suisse. Eh oui, Cédric, une fois n'est pas coutume, on a déjà eu d'ailleurs des gros de Suisse. En tout cas, ceci arrive en effet de la Suisse, mais pas de n'importe où, du canton du Tessin pour être très précis, le seul canton où l'on ne parle qu'italien. Et peut-être aussi le seul canton où l'on trouve un tuba dans un groupe de blues. Ils ont franchi les montagnes enneigées pour vous présenter leur musique et ils savent tout jouer. Du blues, du ragtime, du rock'n'roll, du cajun et même un peu de jazz, et ils le font de manière festive. Mesdames et messieurs, en direct du Blues Café ce soir, il y a Marco Marchi and the Mojo Workers. No matter what, no matter who, no matter where, no matter where, no matter what in the band, I got nothing to share. And if you don't understand, take a look at yourself. Here we are, we are here and now. The past is gone, we are here and now. Now start to get together, and the rest of us matter. And if you don't understand, take a look at yourself. So many here, so many times, we did it wrong, we did it right. You know I got a solution. And if you don't understand, so take a look at yourself. So many here, so many times, we did it wrong, we did it right. Now no matter about the future, you know love is the solution. And if you don't understand, take a look at yourself. Got yourself. So many here, so many times, we did it wrong, we did it right. Now it's time to get together, and the rest it doesn't matter. And if you don't understand, take a look at yourself. And if you don't understand, take a look at yourself. And if you don't understand, take a look at yourself. Andos. Marco Marti and the Mojo Workers ce soir dans le Blues Café Live. Merci beaucoup. I don't take nothing, I don't take no thing with me, baby, when I'm gone. I could take my grass seed corn, but if I got a bit too much, baby, when I'm gone. And if I try to take me some great food from his only well, it doesn't work out, you know why. It doesn't work out, you know why. I can't tell you anything that would be you could ever call it when I'm gone. And if I try to get myself some lawless champagne, maybe that won't let me hit. And if I try to take me some great food from a hill and lay, well, that's not worth, you know why. I can't eat when I die, baby, when I'm gone. I can't take her and feel with me, you could never, only when I'm gone. It's when I die, baby, when I'm gone. I can't take anything with you. You can never, only when I'm gone. You gotta remember, baby, when I'm gone. I said, baby, I'm only when I'm Vous écoutez bien le Blues Café Live, votre rendez-vous mensuel avec le blues en live. Nous sommes en direct du Millennium de l'île d'Abo. C'est en Isère, à quelques kilomètres de Lyon. Et vous avez la possibilité ici, tous les deux mois, de venir assister à l'enregistrement en public de cette émission de radio. Ce soir, qui a lieu avec Marco Marti and the Mojo Workers. Ils vont nous parler notamment de ce tout nouvel album, Here and Now. Nous rejoignent Fabio, parce que donc, ces gens-là parlent italien. Mais rapidement, pendant les balances, on a appris le français, l'un d'entre eux. Et je crois que tu parles un tout petit peu français maintenant. Oui, j'essaye. C'est pas mal, hein. On va citer tous les membres du groupe, d'ailleurs. Il y a Pablo Leoni à la batterie et washboard. Il y a Marco Simoncelli à l'harmonica. Eh bien, Marco Simoncelli à son fan club ici, ce soir à l'île d'Abo. Il y a Fabio Bianchi au tuba et à la basse. Et avec nous ce soir, Marco Marti à la guitare et au chant. On a l'impression de faire un vote à l'applaudimètre. de qui est le préféré du public du Millennium ce soir dans le groupe de Marco Marchi. Alors Fabio, c'est toi qui joues du tuba. D'abord, c'est vraiment un tuba, c'est pas un hélicon. D'ailleurs, je sais même pas les différences entre l'hélicon et le tuba. C'est un Suisse à fond, c'est un tuba américain. Bon, en tout cas, tu le promènes dans l'Europe entière, mais tu as fait des haltères. Bon, ça va bien, il a des roues. On peut même se mettre dessous et puis ça marche. En tout cas, on parle d'égalité. Effectivement, dans un groupe, l'égalité n'est pas de mise. Il y a celui qui trimballe un harmonica et il y a celui qui trimballe un tuba. C'est... Oui, je suis aussi un petit peu plus grand. Comme ça, je mange plus et puis ça marche. Bon, en tout cas, le groupe est né, si je me souviens bien, en 2009. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de vous voir deux ou trois fois déjà dans des festivals, mais comment est née cette rencontre justement assez étonnante, parce que vous êtes du Tessin, il y a des gens qui sont en fait vraiment italiens, d'autres qui sont suisses italiens, d'autres qui sont pas vraiment suisses italiens puisque toi tu es à Bâle. C'est un peu compliqué, comment vous vous êtes rencontrés? C'est de l'italien. Hein. Bon, on est en Suisse, mais la Suisse elle est petite. Donc, même s'il y a des montagnes entre nous, mais bon, il y a un tunnel. Hein. Et puis, ça va assez vite pour ça. Et puis, on a la chance parce qu'on ne fait pas des épreuves. Parce qu'on n'est pas tous ensemble. Et comme ça, c'est aussi bien. Et pour les répétitions, comment ça se passe? On ne les fait pas. Vous les faites? Non, on ne les fait pas. Vous allez droit, c'est l'efficacité suisse. Vous allez droit à l'essentiel. C'est juste. Alors, le groupe s'appelle Marco Marchi and the Mojo Workers. Donc, je suppose que Marco Marchi, c'est le boss. Oui. Alors, il faut le dire pour les gens qui nous écoutent à la radio, que Marco Marchi, depuis tout à l'heure, ne comprend pas tellement les questions, mais que là, l'association de Marco Marchi et le mot boss, il a tout de suite compris et il a dit oui. Voilà. Un petit mot en italo-français, peut-être, Marco. Si. Alors, Mojo Workers, est-ce qu'il y a une relation avec le titre de Muddy Waters, I Got My Mojo Working? Oui, tout à fait. On est les Mojo Workers. Nous travaillons avec le Mojo. Il faut peut-être expliquer ce que c'est au public. Les Mojo, c'est une petite chose, une potion magique. C'est comme une potion magique qu'on peut nous user. On a le vin, ça. Et vous? Et le mojo. Mais ça, on use pour beaucoup de choses, pour le blues, mais aussi pour l'amour, pour le travail, pour l'amour. Non, pas avec toi. Non. Non, mais ah, ça vient d'être voté en Italie. Hein. Oui. Parlons du style. Alors, c'est vrai qu'on vient d'en entendre un petit peu. Vous avez déjà joué deux titres. C'est un style roots, mais en même temps qui aborde vraiment plusieurs aspects. Vous allez du country blues au ragtime, en passant par le swing, par le rock'n'roll, on t'a vu jouer du tuba, on va te voir tout à l'heure jouer d'un instrument assez étonnant, vous allez voir, c'est la Tabasco Bass, mais peut-être que ce qui vous caractérise, c'est quand même le goût de la fête et de la musique festive. Oui, en effet, nous, on se laisse inspirer des musiques des années 20, 30, et bon, c'était la fête aussi, hein, c'était pas seulement les choses trop sérieuses, et puis, avec tous ces styles, nous, on trouve que c'est beaucoup mieux aussi pour les gens, parce que ça change un petit peu, on se peut bouger, comme ça. Il y a quelque chose pour tout le monde. Et alors, justement, puisqu'on a Cédric, raconter un peu tous les styles de musique de votre répertoire, est-ce qu'il y en a plutôt un qui vous séduit, et comment vous reliez tout ça au blues? Mais en effet, le blues, c'est la source de tous ces styles-là. Le rock'n'roll est né du blues. Le ragtime, ça fait partie du jazz et du blues. C'est tout un mélange. Et il n'y a pas de différences. En effet, moi, je trouve aussi un petit peu dommage de faire trop de différences parce que c'est... oui, comme ça, on fait tout le temps la même chose. Ça devient un petit peu... Ouais. Mais le tuba, c'est pas vraiment un instrument qu'on rencontre généralement dans le blues. Il a une fonction peut-être de basse. Oui, bon, les premiers blues qui ont été enregistrés dans les années 20 ont eu le tuba. Parce que la basse électrique, elle n'était pas là. Et puis le contrebasse, c'était trop basse. Et puis oui. Et le tuba, c'était bien. Donc, les années 20, c'était avec le tuba. Puis, on a oublié un petit peu. Bon. Est-ce que c'est aussi pour donner une coloration, peut-être un peu de Nouvelle-Orléans à la musique que vous faites? Oui, surtout. Ça fait un petit peu Nouvelle-Orléans. Et puis, là, c'est tout le mélange des styles. Il y a là, Nouvelle-Orléans, où c'est né le blues et le jazz. On va faire une petite pause musicale. On va écouter un titre d'un artiste français. Le titre s'appelle « It Never Comes Easy ». Est-ce que c'est un titre ? Donc c'est un titre qu'il a écrit pour sa propre vie de musicien. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez aussi vous appliquer à vous ? Aujourd'hui, on vous voit jouer dans pas mal de festivals européens. Est-ce que vous avez aussi, j'imagine, connu les galères du groupe qui débute ? Oui, bon, en effet, parce que ça que nous faisons, il n'y a pas beaucoup qui font ça. Alors, un petit peu la chance, parce que on est plus ou moins les seuls en Europe à faire ça. Donc, dans le monde entier, même. Dans le monde, je connais pas tout le monde. Mais bon, en Europe, on est un petit peu seul, et comme ça, on joue assez. Alors là, on va écouter ce titre, It Never Comes Easy, et c'est Monsieur Fred Chapelier qui vient de sortir un tout nouvel album. L'album est sorti en avril sur le label Dixie Frog. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre site le www.bluesactu.com une interview de Monsieur Fred Chapelier. Je sais, Francis, que c'est devenu presque aujourd'hui ton livre de chevet. It Never Comes Easy. On écoute Monsieur Fred Chapelier avant de retrouver sur la scène du Blues Café Marco Marchi and the Mojo Workers. So many hard times along the way, trying to survive, keep my dreams alive. Sometimes it's a dangerous game. The winners and the losers, I've seen them all. I can count my real friends on one hand. I spent nights in paradise and I've been to hell, but I never go back there again. Some evil woman trying to waste my time when they know they'll never please me. 'Cause any good man worth having never comes easy. I'm no king, I've never been a beggar. Took my chances and paid my dues. I worked hard every night to get to where I am. I ain't no stranger to the blues. I'm gonna make it to the other side when yesterday's chains release me. 'Cause anything good in this life never comes easy. Sometimes you stop and wonder if you live your life the right way. But there ain't time to sit there crying, 'cause tomorrow is another day. Ne changez rien, vous écoutez bien le Blues Café live. Et ce soir sur la scène du Blues Café, il y a Marco Marchi and the Mojo Workers. Café live, Marco Marchi and the Mojo Workers. keep her long. I said, yeah, keep her long. I got a new two trick, and you're the monkey man, I gotta get you on. I said, pay for my deal. I wanna hammer, and I say, yeah, I wanna hammer at night. I want you to feel your lack. I said, let me your hand fast or strong. I said, yeah, fast or strong. And if you know what I'm gonna be, please don't let me know. Hurry with it, please. Et c'est avec ce Meat Shaking Woman que Marco Marchi and the Mojo Workers ont enflammé. C'est le moins qu'on puisse dire, la scène du Millennium ici à l'île d'Abo. Marco Marchi and the Mojo Workers, ils sont nos invités de ce soir dans ce 107e Blues Café. On ne les compte même quasiment plus. Et la musique de Marco Marchi est une musique épicée, comme l'était cette Tabasco guitare. Bass, ouais. Donc une basse en forme de bouteille de Tabasco. D'où ça vient cette chose-là? Ça, c'est mon invention. Mais j'ai fait une photo, j'ai envoyé à Louisiane, à Tabasco, et puis ils ont dit, combien ça coûte? Le procès? Non, la basse. Et puis j'ai dit, bon, je ne sais pas, j'ai fait moi-même. Puis j'ai dit un prix. Et puis, ils m'ont dit, OK, je te donne cet argent-là. Ça, c'était le sponsor. C'était très bien. Alors, à côté de toi, vous êtes venus nombreux, là, derrière le micro. Nous avons l'harmoniciste. Quelle cote tu as, hein, quand même. Mais quelle cote, hein. Marco Simone Celi. Solo, c'est moi. Et Pablo Leoni à la batterie. Merci. Et Pablo parle aussi français, mais un italien. Petit peu. Pablo, on t'a déjà vu d'ailleurs jouer. C'est un batteur incroyable, très coté dans toute l'Europe, parce qu'il est très sollicité. Hein. Et d'ailleurs, il faut toujours te payer très cher pour arriver à t'avoir, tellement tu es très sollicité. Peut-être par Tabasco, d'ailleurs, aussi, qui paye... C'est lui, c'est Tabasco qui me paye. Oui. Alors, le groupe Marco Marchi, Mojo Workers, a remporté le challenge suisse. C'était en 2011, ce challenge qui préfigure le challenge international de Memphis. Donc, vous êtes allé à Memphis. Oui, avec le tuba. Sur l'océan. Assis dessus en pagayant, absolument. Et il paraît d'ailleurs que les groupes américains à Memphis refusaient de jouer dès que vous passiez sur scène. Et vous avez été en finale ? Non. Non, non, non, non, on n'a pas fait la finale. On était dans un autre blues club au final. Quand on vous entend d'ailleurs, on parle de Memphis. Tout à l'heure, on parlait de la musique de la Nouvelle-Orléans. Quand on vous entend, quand on vous voit avec le tuba, on aurait presque envie de vous voir déambuler comme ça dans une rue, un peu comme un marching band. Est-ce que c'est une formule que vous avez testée ? Oui, on a fait ça. On a fait ça. Il y a comme des busking festivals. On a fait ça, ça a bien marché avec le tuba, avec le washboard. Vous avez sorti quand même, je crois, 4 disques, 4 albums donc. 3. 4. 3. 3. 3. 3 albums. Très. Le dernier, ben, je l'ai ici, je le montre au public du Blues Café, donc c'est celui-ci. Il s'appelle Here and Now, ici et maintenant. Et justement, Here and Now, ça veut dire quoi ? Vous êtes dans l'urgence ? Il faut vite se dépêcher, c'est ici ou jamais. Non, non, mais on joue beaucoup comme ça, dans des choses comme ça, et puis c'est maintenant qu'on fait ça. Attends, alors, ici, ce ne sont pas des choses, ici. C'est une jolie chose, oui, ça c'est. Non, mais on joue beaucoup en toute l'Europe, alors on dit « here and now », on y est, voilà, let's go. Quand on regarde vos influences, en tout cas cet album, quand on vous écoute, on le disait tout à l'heure, des influences assez variées. Dans les reprises que vous faites, en revanche, c'est assez traditionnel. On a une reprise de Sleepy John East, on a quelques traditionnels, on a un morceau de Robert Johnson. Là, vous avez fait un morceau de Blind Boy Fuller. Vous allez quand même chercher dans le blues, on va dire, le plus traditionnel. Est-ce que c'est aussi une volonté d'essayer de le faire à votre sauce pour le moderniser ? Oui, tout à fait, parce que c'est de la bonne musique, et puis il faut le porter dans les gens, parce que ça marche, et ça a beaucoup d'énergie, et ça nous plaît, et ça vous plaît aussi, je pense. Et puis il y a aussi des morceaux d'un parfait inconnu qui s'appelle Marco Marchi. Ah oui, il est là-bas. Ah, c'est lui. Il n'est pas trop grand, mais bon. Donc il y a des compositions aussi. Difficile aussi de faire des compositions dans un style, finalement, des années 20-30. Bon, mais c'est à peu près... C'est... Son âge. Non, c'est pas vrai. C'est son âge. Non, c'est pas vrai. Non, non. Non, non. Non, bon, mais on est influencé par cette musique-là, et donc ça vient à peu près. Je crois que Marco, il a une grande passion pour la musique du blues de la Louisiane. Et donc, il a fait une grande recherche de les thématiques histoire, musicale et de texte aussi. Mm-hmm. Et donc, il connaît bien la musique qu'il fait. Et donc, il a cherché d'avoir un son avec ce groupe très particulier. C'est très intéressant d'avoir les basses tuba avec la guitare West Slide National, comme ça, et l'harmonica aussi ensemble, et les frottois. Donc, tout à la recherche de les radici, comment est-ce que vous dites tradition. La tradition. La tradition. Et tu peux faire des compositions maintenant avec un mélange de styles divers, différents, mais les sonos, c'est la même, et qu'ils accompagnent les voyages de l'écouteur. Voilà. Pablo Leoni, bravissimo. À mon avis, il mérite 10% de plus sur son cachet. Grandioso. Grazie mille, mes amis. On va nous faire une petite pause musicale. Alors, tu le disais tout à l'heure, Pablo, tu disais que Marco était effectivement quelqu'un de passionné. La preuve, c'est que pendant que vous êtes là en train de parler, eh ben lui, il continue de jouer sur scène. donc voilà, c'est original. Il y a que, voilà, c'est la première fois que ça nous arrive. C'est sympa. En même temps, ça nous fait une petite ambiance très agréable. Francis, il est temps pour nous de parler de la Blues Party, qui est un festival que Pablo connaît, puisqu'il avait eu le plaisir déjà d'y participer. La Blues Party qui aura lieu le 4 juin, ici, dans les jardins du Millennium. Absolument, c'est la 4e édition. Pour ceux qui sont là et qui viennent, vous savez comment ça se passe. Cette année, on a essayé de monter un peu la barre, si je puis dire, en captant, notamment tête d'affiche, on n'aime pas trop ce terme parce que tous les groupes se valent, mais notamment cette formation danoise qui est une véritable machine de rhythm and blues parfaite et qui s'appelle Thorbjørn Risager. Alors Francis, tu le prononces mal et j'ai donc demandé... Très dur à prononcer. Au principal intéressé de nous demander comment on le prononce. Écoutez, ça se prononce comme ça. Thorbjørn Risager. Oui, en fait, Thorbjørn nous a envoyé un son pour dire comment on prononçait son nom. Risager, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est une très belle machine. Il faut absolument voir ces gens-là. Alors, il y a aussi d'autres... Vous savez que le principe de la Blues Party, c'est de montrer la diversité du blues, notamment en Europe, parfois aux États-Unis, quand on a des Américains qui viennent. Cette année, donc, il y a le Danemark qui est représenté. Il y a l'Angleterre. L'Angleterre avec une formidable artiste noire, Calla Brooks, qui viendra en formule électrique. C'est un peu aussi grâce à Pablo, justement, qui les connaît très très bien et qui joue parfois avec eux, qu'on a pu avoir cette formation qui est quand même assez rare sur les festivals. Il faut rappeler que Calla Brooks vient juste de sortir un nouvel album et qu'elle viendra donc le défendre ici à la Blues Party. C'est le cas également de quelqu'un qu'on est très heureux d'avoir. C'est lui, il représente la Belgique. On a un peu l'impression d'être à l'Eurovision. Guy Verlinde, Two Points, Lighting Guy, Guy Verlinde and the Mighty Gators. Il vient de Belgique, il sort un nouvel album et il a décidé de faire de la Blues Party sa release party, c'est-à-dire c'est sa grande fête de sortie de son album. Vous en aurez donc l'exclusivité. On en est extrêmement fiers. Ouais, et on est assez jaloux de lui parce qu'à chaque fois que j'ai vu ce Guy Verlinde ou Verlinde, je sais pas trop, les femmes sont folles. Il a beaucoup de charme. Un autre qui a aussi beaucoup de charme, et vous les avez appréciés d'ailleurs à deux, il n'y a pas si longtemps que ça dans le Blues Café, c'est le duo suisse qui se nommait tout simplement The Two. The Two qui ont tellement aimé le Blues Café lorsqu'ils sont venus, qu'ils nous ont demandé s'ils pouvaient venir à la Blues Party. On a dit OK. On ne dit pas ça avec tout le monde, mais il se trouve qu'on avait aussi beaucoup aimé. Et vous aussi, vous aviez été nombreux à nous en parler de ce groupe The Two, un groupe qui monte, d'ailleurs, preuve en est, puisque notre rocker national Johnny Hallyday leur avait même proposé d'ouvrir pour lui lorsqu'il a joué à Genève. C'est pour à dire. À Genève, on dit. À Genève, voilà. Et ceux qui ont l'habitude de venir à la Blues Party le savent. Nous avons deux scènes. Il y aura une scène pendant les changements de plateau. En général, c'est un moment où on va au bar. Il se passe pas grand-chose. Ben vous allez pouvoir aller au bar en écoutant un groupe qui fera les interplateaux. Et ce groupe, c'est un groupe français. Il s'appelle Blackberry and Mr. Boohoo. Un groupe assez impressionnant de boogie blues. Vous allez voir, c'est assez impressionnant puisqu'ils tapent leurs pieds sur des caisses en bois et c'est assez sympa. Blackberry and Mr. Boohoo, ça sera donc le groupe qui assurera les interplateaux comme l'avait fait Sophie Reed l'année dernière. Et j'en profite pour vous rappeler que nous avons eu le plaisir, puisque tu parlais de Genève, de faire un Blues Café à Genève il y a quelques mois de cela, et que ce podcast est toujours en ligne sur le www.bluesactu.com. C'était une expérience unique. Le Blues Café s'est délocalisé cette année. Et la Blues Party, ça sera donc le samedi 4 juin dans les jardins du Millennium. Il y aura d'énormes surprises, notamment dans certainement, enfin, on ne vous en dit pas plus sur la présentation du site. Et bah, pour voir justement cette surprise, bah, il faudra venir. On compte sur vous. 10 euros la soirée. On écoute Thorbjørn Risager and the Black Tornado, extrait de leur dernier album live Songs from the Road. C'est un album magnifique et il est question de route également avec ce titre Too Many Roads. Et juste après, on retrouve Marco Marchi and the Mojo Workers en direct du Blues Café live. Yeah. Et le Blues Café vous fait voyager. On était à l'instant au Danemark avec Sandbjørn Risager. Nous voilà maintenant entre la Suisse et l'Italie, dans les Alpes, avec Marco Marchi and the Mojo Workers. Ils sont sur la scène du Blues Café Live ce soir. Yeah. stay around. Time been gone. Lay her on. Lay her on. Went to the station. Dans le Blues Café Live ce soir, Marco Marchi and the Mojo Workers. Feel like a bop. Shining on the seat, babe. I'm going home. Shine the morning sun, baby. I'm going home. Shine the morning sun, baby. Marco Marti and the Mojo Walkers. Et ce titre en live dans le Blues Café Sunday Morning, qui n'a rien à voir avec la version de Lou Reed, bien entendu. C'était le Blues Café live en direct du Millennium de l'île d'Abo avec Marco Marti and the Mojo Workers. On remercie toute l'équipe du Millennium. On remercie également Laurent Forcheron qui est à la réalisation technique de l'émission, ainsi que Thibaut Degreuve et Bruno qui étaient à la captation vidéo. On vous rappelle que vous retrouvez sur notre site le www.bluesactu.com l'ensemble des podcasts de déjà plusieurs saisons maintenant, également toutes les vidéos et de temps en temps quelques interviews et quelques articles également. Mais on remercie aussi le public, toujours aussi nombreux. Voilà, merci à tous. On se retrouve le mois prochain avec Rod Barté. N'hésitez pas à nous rejoindre ici. C'est gratuit, l'entrée est libre dans la limite des places disponibles. Et il n'y en avait plus beaucoup ce soir. Sous les applaudissements du public, on laisse la scène à Marco Marti. Grazie mille, Marco. Grazie a voi. Sometimes, baby, just wanna wine. Sometimes, baby, just wanna wine. You keep a dreaming so mean, don't wanna be my wife. Sometimes, baby, just wanna wine. Sometimes, baby, just wanna wine. You keep running around, don't wanna be my wife. You know I ask you twice and I ask you once, down on my knee, wring my hands and cry my heart. But you, baby, you just bet me by. Love you, girl. Please be my wife. Twice, spending all my money and wasting all my time. But with you, baby, it's gonna be alright. I still love girl, sweet my woman. We'll be right back.